Clara, je voudrais te revoir. Clara, le nez dans le miroir. Et quand tu dis que tu ne veux pas vivre avec moi, moi je ne te crois pas. Thank you.